À propos de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, le président algérien Abdelaziz Bouteflika lui a fait parvenir un message de félicitations. Le destinataire s'est exprimé satisfait de lui adresser les félicitations chaleureuses à son nom et au nom du peuple et du gouvernement algérien. Il a souligné qu'il s'efforcera pour consolider et développer les relations de coopération conformément aux intérêts des peuples de deux pays, Algérie et Corée. Finalement, il a formulé son hommage le plus sublime au maréchal Kim Jong-un.